Tiens, le printemps revient dans la lueur du matin pour reverdir le jardin et ma confiance dans le lendemain. Je peux reprendre mes promenades et oublier mon teint maussade dû à la pluie et ses brimades qui donnent au ciel un goût si fade. Si cette saison qui me fera riche me parle, c'est plus beaux habits, c'est parce que l'opulence c'est un hasard, alors c'est bien son unique tard, car à l'heure du grand départ, je regretterai ces joies trop rares. Si cette saison qui me fera me parle, ses plus beaux habits, c'est parce que l'opulence s'affiche. Planant les sous-bois, les premières morts de ce froid qui me plonge.